immédiat. On l'a vu arriver sur la véranda depuis ce matin. Enfin un survivant, enfin. En direct des Côtes d'Armor, Léon et Guy, c'est à vous. Eh bien écoutez, cette fois, il t'en est fallu de peu. Les vibrations brumeuses se sont estompées jusqu'à demain soir. Et l'homme qui reçoit actuellement les soins s'en sort à bon compte. Les sirènes hurlantes n'ont pas eu raison de lui, n'est-ce pas mon bon Guy? Eh bien écoutez mon bon Léon, il s'agit toujours du même phénomène. Des vagues assourdissantes de son, des rires gras, des cris et des vociférations s'enchaînent sans les continuer depuis le crépuscule jusqu'à l'aube. Eh bien le périphérique de l'habitation reprend alors son calme, une quiétude de courte durée, puisqu'il subira un intervalle extrêmement périodique les mêmes perturbations. Un scientifique, mon bon Léon, spécialiste en astrologie, m'expliquait que tout se passe comme si chaque pierre de la véranda était source d'onde mécanique et que chaque point de l'espace sur le chemin de la propagation émettait à son tour un signal plus faible avec la machette en amplitude soit, mais disposant de la même information. Il comprend rien, c'est compliqué. Eh bien écoutez, mon Guy, tout le monde ne peut pas comprendre ça. Les éléments dont nous disposons laissent penser que cet endroit dont nous n'osons pas dire le nom agit comme un piège à con. Les perturbations violentes qui en émanent attirent des individus dont il est difficile de trouver le point commun, n'est-ce pas mon bon Guy? À part qu'ils ont tous une moustache, mon bon Léon. Et l'homme sauvé cette fois pourra peut-être nous éclairer. Eh bien écoutez mon bon Guy, on va casser mes lunettes, je voudrais rassurer les miens, il est temps de m'enfuir à vous cognacer. Avec la Nakoda. Y a plus de musique, Zonono.